Soirée, le rendez-vous est noté désormais avec DJ Case et au platine. Oui. Bonsoir, bienvenue à vous tous. Bonsoir Case, comment bonsoir va? Bonsoir tout le monde, bonsoir Fred. Ça va très très très bien, en très bonne forme. Prêt pour une nouvelle heure de mix? Eh oui, une heure de mix de malade. Avec des... Avec du méchant lourd encore comme d'hab. Et il y aura... on va placer quelques nouveautés. Et je suis sur le nouvel album, justement, paré en New York sur cet été, qui va sortir avant cet été, voilà, 2015. Donc c'est reparti, voilà, un album chaque année. C'est reparti, voilà, un album chaque année. Le premier, il a été bien accueilli, ils ont kiffé, donc on est obligé de l'en redonner. Là, je suis en plein studio et je prépare du super lourd. Et on va essayer de placer quelques petits inédits ce soir. Et bah très bien, on va donc déjà pouvoir découvrir le paré en New York qui sortira cet été. Exactement. Avec DJ Case, c'est quoi, ce sera encore des inédits, hein? Il y a que des inédits, voilà. C'est un album d'une vingtaine de titres et avec les artistes du moment, avec voilà, un subtil mélange entre l'oriental, l'urbain, vraiment top. Et bon, pouvoir découvrir ça donc là d'ici cet été et déjà dans Rail Suprême. Case, on est parti en avant-première. Allez coup d'envoi. C'est parti pour Rail Suprême. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. L'espoir, l'Algérie c'est notre honneur. Elle est la terre de mon père et ma mère, et c'est le soleil qui nous éclaire. Bien vu à la place, Rachid Arabe. On ramenait jamais ce qu'on volait à la baraque, par peur de faire marave. Débrouillard, plus tout jeune, un gosse du Rachid System. Peur et conscient de son potentiel. En France, si facile se retrouver au Hebs. Halafi, au tremblant des coups, des trafics. Je suis toujours un petit reflé, toujours à l'affût, vicieux dès le spa. La débrouillard d'Istar, ça, c'est le coup de grippe, Rachid System. Pour ceux qui ont pas froid aux yeux, les adeptes extrêmes qui tentent de faire recette, se mangent des coups, se relèvent. Et parfois c'est fatal, ça semble interminable comme les djifadas. Avec les moyens du port dans tous les domaines, on a la hache, t'as l'état à bientôt. Et si on tourne au vert aux critiques, photo, aussi vrai que j'aime mon pays et que rien le vaut. C'est Rachid System, gros. Respire dans cette époque tordue. C'est le son qui propose des virages, des voyages, des clameurs, des visages. C'est le son des mariages. C'est Rail Suprême. Skyrock. Toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les queues. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. Si on passe ensemble, on nous entendra. Laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïlé, laïl partage et rassemble. C'est les beaux quartiers qui dansent avec les grands ensembles. Ceux qui souhaitent un pays convivial, alors ils croient en une autre identité nationale. C'est le son qui rêve en réalité, change les mentalités, tue l'amorosité. Il invente, imagine et renverse les clichés établis et oublie leur tristesse. Tous les codes sont bannis, révisés. On mettra des baguilles jusqu'à l'Elysée. Plus de quotas dans le foot ni ailleurs. Peu importe la couleur, on gardera les meilleurs. Les blaireaux, les fachos, c'est la même. C'est quand y'en a beaucoup que ça pose des problèmes. On va marier Nassim et Delphine, pas seulement pour la rime, un second tour sans Marine. Et si on chantait de toutes les couleurs, on va faire danser les corps et les cœurs. Si on est tous ensemble, ça nous suffira. Seul sur ta route, je les vois, nos ennemis ne peuvent rien à part parler sur nous. On les a rendurcis, promenade numéro des cours. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Les choses vont s'arranger, de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, je viens de là où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde là-haut, là-haut. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le riff. Qui peut me stopper, pas leur vin de long riff. Tu t'es embourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe plein. En bolide, 20 ans plus tard j'aurai une baraque en Floride. Longue épopée, de la misère au succès. Jante noire, cuir noir, tu sais toujours qui c'est. Je suis resté le même, en première ou en écho. Appel d'Amito, ma cellule a besoin de déco. C'est Tony Montana, featuring Manny, Casa, Fuini, Alger, Taliani. minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Focus, nous mets comme équipe sur le casque, arrête, ne calcule pas, je suis bourré, toi et moi c'est pas pareil, ils sont toujours en bande, dans la poche le cran d'arrêt, poursuite entamée, ça tout prend, je suis snooné, j'ai du mal à dire mi amor. Joue dans le game, j'arrive vite dans la mort, ici c'est le 13, poteau, j'arrive pas à couler ganté. Dans le rap, y'a trop de victimes qui jouent les brigandés. Chicha, papicha, allume le bon char, un peu de weed dans un bon cas, que tu fais. Chicha, papicha, allume le bon char, un peu de weed dans un bon cas. Chicha, papicha, allume le bon char, un peu de weed dans un bon cas, que du V12, que du gros char, on veut du gros cash, la tête camouflée, sous une écharpe, sur le boulevard, en marche arrière, en gros BM, au-dessus des lois, au-dessus du game, on passe et parle pour moi, la seule du cambouis sur les mains, je viens préparer une courroie. J'ai les idées en place, parfois je dérape trop de changement d'humeur. Dans mes attitudes, je suis sur les nerfs, c'est dans mes habitudes. J'irai bien faire un tour dans la ville, me changer les idées. J'entends cette petite voix dans ma tête qui me dit on va et toi. Je suis perturbée, je m'évade dans mes pensées, je suis trop préoccupée, je suis comme ça. Écoute le son si tu te sens concerné, écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné, écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, je me concentre dans tes bras, c'est la vie. Sur ma chicha, surtout si t'as les dents jaunes. On est là pour la déconne, on sera pas tous les jours jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée chère. Fini les portes du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzesses à croquer. Si les keufs nous écoutent, faut surtout pas paniquer. Quand je parle de tuyaux au charbon, c'est pas pour braquer. Elle a souffert pour te plaire, respecte la mise. Les traces sur son bras, c'est le faire pas délice. Talons aiguilles, team grosse cuisse. Elle a un bac plus Maroc, bête de fils. J'ai refusé des trios avec des jolies femmes. Faut pas non plus abuser, je vais sauver mon âme. Nachetan, en bécane, tu dis c'est fou le bordel, fou le bordel. DJ K les artistes, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Car mon état sans DJ K, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel, fou le bordel. Fou le bordel. Fou le bordel. Dimanche soir, DJ K te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Il peut toujours me clasher. Putain c'est au chagrin des coups en cachette. Ton meilleur ami peut se trouver derrière la gâchette. J'prouve l'esprit, j'fume un peu de hashish. Fais gaffe petit avec des sous à ta jette. T'as dégagé par des bâtiments. Trop de sentiments, le regard vite à ta jette. J'suis pas un sachez-le, moi j'ai galéré. MBDH, tapez-le. La noire merde est là, lui il se montre, regardez-le. Envie d'y mettre des tartes là. J'suis au bled, j'observe la lune de mon matelas. Trahis-moi et je taillerai. Nous deux à vie c'est terminé. Je te vois t'es triste mais tu parles pas. Je vois tes larmes, on me regarde pas. On se fait du mal mais on le sent pas. T'es pas comme moi donc on s'entend pas. Skyrock, Rail Suprême. soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ils veulent donner des ordres, y'a que les vendus qui obéissent. Dans les garçons s'éternisent, on croit pas valer du râle. Dans les putains sont sternis, c'est que des meurs qui font bra. Y'a pas le drap, pas le temps de délirer ou t'admirer. Tu menaces pas, après je m'en irai. Vivant, on y pète devant, garder l'espoir. Comme nos grands-pères en première ligne, on défoie l'histoire. C'est un pétard, les clés qui en transe. Pour ceux qui quittent leur famille en sanglant, rentrent en France. Pour les tirs là-bas, et se confient à Dallas Lee. C'est le chef du chef qui s'appelle Husky. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. Suprême. Skyrock. Sur les bords de la corniche, Habchini, Merli, j'ai rien à perdre. Rien qu'à le malade mental, plus connu que le head, je m'en bats. Je voudrais passer les aînés à ma bien-aimée avant que je taille. Comme chef Hesney, je suis sentimental. Partir loin, rien à perdre, fais poste, nous lâchez pas. Laissez-moi de toi, comme Robinson sur une île. Mon mouton, je l'appellerai mercredi. Et dès que l'avion atterrit, j'applaudis. Comme les Chibéni, je vous rends la carte résidence. Un moment d'évasion, Yarma, lève-toi et danse. Ça fait plaisir. Et un babou. Tire loin. débrouillard, je t'annonce. Ramène-moi loin de la misère, mon plus fidèle compagnon. En route pour l'Eldorado, même en classe éco, dis-nous le sac à dos. Partir loin, sans les cousins, les placards, c'est dur. Je me considère chanceux d'être en vie, pourvu que ça dure. J'ai grandi qu'avec des voleurs, j'aurai toujours les youyou qui résonnent dans ma tête à la quête du bonheur. Soirée, bienvenue le dimanche soir, c'est Rail Suprême avec DJ Kayz au contrôle. Kayz aussi en tournée dans toute la France pour vous faire du bien. Et oui, cette semaine, oui, effectivement, je suis à Paris le vendredi 23, c'est au Blue Crystal, c'est à Paris dans le 11e, voilà, donc venez kiffer les Parisiens. Le samedi 24, c'est au Miami à Chartres dans le 28. Le 30, c'est à Montpellier, du côté de Montpellier, donc on va essayer d'attraper un peu le soleil. Mm-hmm. Voilà, c'est au Dubaï. Et le 31, au Luxembourg, au Peepers Club. Voilà. Et bah, allez retrouver DJ Kayz près de chez vous, et tout sur le mois de janvier. Voilà, exactement. Et sur les réseaux sociaux, sur la page fan Facebook DJ Kayz, et sur Instagram et Twitter DJ Kayz Paris. Donc cliquez, n'hésitez pas. On voit les messages défiler, donc ils sont pressés de la nouvelle demi-heure, donc on arrive à tout de suite. Et bah, c'est reparti tout de suite. DJ Kayz au contrôle, on y va. Suprême, c'est parti sur Skyrock. Suprême. Quelque chose de mauvais qui contrôle mon esprit. Mon cœur s'est endurci comme si j'étais Jaune. Minuit une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ Kayz sur Skyrock. Suprême en direct sur Skyrock. broken, but when she go, just try and do it easy about you. The reason why you lose, you got no. She step into my shoes and feel it. Hustle people, they gon' hate you, cause they try alleviate you again. What will elevate you, is it? So keep back, meditate the feel. Du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous, plancher, plancher, bill, pisse, pisse. Le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le. Direction le port, toujours le pied sur le planche. Direction le port, toujours le pied sur le planche. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Guido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris, j'ai dévalisé tout Tati. Je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés. Et des jouets en pagaille pour les nouveaux nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Sur la plage, à bout les maths avec mon zinc et son derbouka. Dans la main, garde de sélecto, imitation coca. Une couche de city boom sur le corps et sur les bras. Avec mon poste, sur un fond de terre. Ouais, y'a fait, ouais, y'a fait, ouais, y'a fait, ouais. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Skyrock. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Tout d'un braille. C'est du rap free fight que je pratique, du rap line. Je tombe dans le jeu du regard, feu rouge, fast and furious. Premier couplet, je te pin, c'est bim bim. À part après, j'ai que voler mon pote. Trop de voyons, mètre carré, je crois que je vais être une star. Eh non, plus de 30, c'est ton tour la découpe. Comme le réel, je vais découpe. Comme un escouche, je mets des coups. Je fume des clubs, aromatisé, cheat. Tu vas un scoop, je vais traumatiser. Arroser ça aux champs, au G, reste fidèle à moi-même, Air Max G. Sans teinture jaune, mon mec c'est un ogive, je rime comme j'ai envie. J'ose, rôde, sans garde du corps, au mec barack, vite. Pas comme les robes et pop star, on star. Personne bronche, on le couche. Mon devideur du pain à sauce, je parle mal. Ou à sauce, du pain douce. Ça fait même en turc, ananas, se game. Les jaloux, on le seum, on sent pas les clairs. Nous, on a la classe, Rouma, c'est des clairs. Retiens ta mine, j'en dirais qu'elle a faim. Nous, on respecte, t'es pas tombé sur des chiens. Direct à mon rang, tu veux mon numéro. Rahitadi, tu connais pas la Guérino. La Guérino, fin de Gabido. 1 million d'euros, tous mes classicos. Une armée de bigots dans le barrio. On veut peser plus lourd que les généraux. Suprême en direct sur Skyrock. Napoletano, منك رهنا يقاري خلي العديان يقولوا الحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو من صوري سفري كامل نابولي طانو لك رهنا يقاري خلي العديان يقولوا الحقوني لداري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان يبانو عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو رزقي ونضوجي العقلية الباتشينو عايش في آلجي وهرن ولا ميلانو رزقي ونضوجي العقلية الباتشينو Quoi de neuf la famille, c'est Didier Hamida, vous êtes bien sur Rail Suprême, aïe aïe aïe. J'ai dit j'ai besoin d'air, couper mon fun et me barrer tout l'été. Pour moi je veux voir mes visages briller et voir mes potos kiffer. L'odeur de la viande grillée, on est tous là pour kiffer. Je me suis déconnecté, j'ai laissé tous mes problèmes de côté. Je me suis déconnecté, je mettrai sur répondeur tout l'été. Et j'écouterai du Vicky, du Tupac. Au bord d'une piscine, je ferai la belle qu'un Beyoncé. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mes gars. Je suis sous le soleil et je me balade. Ne m'appelle pas, je suis pas là. Je désactive mes comptes, je suis avec mon bras. Je suis sous le soleil et je me balade. J'appelle les maçons, nous les gueules d'un Suprême en direct sur Skyrock. DJ KZ. Dans le pas au bas. sans alcool. On est vu la dégaine, la fête des foires. Le bras touche à l'école, mon chéri, une tanga. J'ai dit, oui, allez, mais on est au monde. Hey, y'a un aïa, qui fait mes jambes, les belles, ou d'awa, hadma. C'est l'ambiance, tout le monde danse sur mon son. C'est le bal des voyous, c'est la fête des gros poissons. Poissons à volonté, mais sans alcool. On est vu la dégaine, la fête des foires. Skyrock, Rail Suprême, c'est DJ Case, DJ Case. Les trahisons se perpétuent depuis que Dieu nous a créé. Les faux pas qu'on peut plus les saquer. Je me méfie de toi si je te connais pas depuis le saqué. J'me un pour les thunes, mais aussi pour mes proches. Qui fait, j'suis frappe des panés, t'as rien dans les poches. Si j'suis le boss, t'es sans taf, j't'embauche. T'accueille sous mon toit, j'te laisse les clés de mon porche. Cahier, le cahier, j'l'ai jeté au fond de la classe. J'en ai gardé juste un, j'avais d'écrire un classique. Les dromas, Alger, Oran. C'est fait, t'as fini là, y'a pas d'ok, j'te le rends. Viens sur Maghreb, j'représente un pigeon. Toute nationalité, le prêt d'accueil beaucoup de gens. L'Afrique regorge des filles les plus jolies. Où je vis, plus de Nabila que Julie. Oh oui, laisse pas les deux grains du poli. Tel est mon voix de Ryan B pour tous les Shaoui. Lève ton verre pour tes amis intimes. Ta dream team, les mecs fines. Partagerai l'on dernier centime. Amitié aux ailes, ça colle pas. Une vie à ton binôme, ton binôme, ton binôme, ton binôme, ton binôme. C'est fini pour ce Rail Suprême ce soir. Merci Case une fois de plus. Eh oui, merci au à top, vous. Merci top à vous d'avoir été nombreux à nous écouter. À on kiffer. A pu découvrir aussi en exclu des morceaux de Paris Euro New York. Exactement, voilà, des petits extraits comme ça, de ci, de là. On est en studio, on est en train de finir tout ça et je vous promets que ça va faire très très très mal. Eh bah vivement cet été, je peux tout dire. Ça fasse du bien. En attendant, vous pouvez aussi découvrir des petits inédits que je peux faire en live, en soirée. Comme par exemple vendredi à Paris au Blue Crystal, c'est dans le 11e. Voilà, c'est ce vendredi 23, le samedi 24 au Miami à Chartres, le vendredi 30 janvier c'est au Dubaï à Montpellier et le 31 au Pipers au Luxembourg. Voilà, voilà. Merci à toi Kaïs pour cette soirée. Merci à vous, c'était génial. Rencard dans une semaine. Bien sûr. Et à suivre DJ Kaïs sur les réseaux sociaux aussi, n'hésitez pas. C'est ça, sur Facebook DJ Kaïs et Instagram et Twitter DJ Kaïs Paris et cliquez aussi sur le Twitter Rail Suprême. Voilà, gros big up à Fabien. Bonne soirée à vous tous. Ciao ciao. C'est reparti le son de Skyrock. Ciao ciao et la semaine prochaine le retour de Rail Suprême. Le roi de musique. Non-stop.